qu'elle tient trop à sa liberté. Alors elle couche avec tout le quartier. Loa, Loa. Mais moi je suis sûr qu'elle rêve de moi. Ah, ah, ah. La nuit très tard dans son cerveau. De toute façon, elle est trop matérialiste. J'suis même sûr qu'elle comprend rien aux artistes. Jimmy, lui, au moins, il a une voiture. Moi, j'ai 26 ans et j'ai pas de voiture. Loa, Loa. Avant son cerveau. C'est juste que ses copines veulent pas. Ah, ah, ah. Elles disent de refuser mes cadeaux. J'aurai au détour d'un trottoir. J'prendrai un billet direction la gare. Loa, Loa, Loa, Loa. Et moi je suis sûr qu'elle rêve de moi. Dans son cerveau. C'est juste que ses copines veulent pas. Ah, ah, ah. Elles disent de refuser mes cadeaux. Elles disent de refuser mes restos. Elles disent de se méfier des versos.